Bonjour, je suis très très surpris. Il y a quelqu'un qui m'a écrit en m'envoyant un lien en me demandant pourquoi que j'ai en me disant que j'utilisais les symboles de la matrice hexagonale zodiacale et me demandait pourquoi. Eh bien, j'ai été extrêmement surpris. Je ne suis pas du tout au courant de ce qu'est ce système-là, la matrice hexagonale zodiacale. Je suis allé voir et j'ai été très très très surpris. Mon système à moi n'est pas seulement hexagonal. Il peut aller, on peut traduire n'importe quoi selon ces formules-là. Et juste donner un exemple ici qui n'est pas hexagonal, qui n'a rien à voir avec l'hexagone. Et c'est d'une façon extrêmement différente de ces gens-là que je suis arrivé à ça. Pourquoi? Parce que c'est de la cybernétique, c'est-à-dire des systèmes autorégulés. On pourrait même aller voir certaines lois par rapport à la division des cellules, à la façon dont le système nerveux s'est configuré. Et ma base, à moi, c'était les permutations du Yiking, du trigramme du Yiking. Donc, j'aboutis aux mêmes formes, j'aboutis aux mêmes lois que ces gens-là. Et à mes yeux, cela n'a pas à voir avec le zodiaque, à moins que le zodiaque soit infiniment plus que ce qu'on nous en a dit. Tout simplement. Et je suis très, très surpris. Les grands esprits j'allais dire, se rendent compte, se rencontrent. Puis là, je ne suis pas en train de me définir en tant que grand esprit, mais il reste que c'est très, très surprenant à mes yeux. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et je n'étais pas du tout au courant de cette, entre guillemets, cette école-là, de ces recherches-là. Mais au niveau du systémique, je n'ai rien vu de bon qui pourrait réellement m'intéresser, mais je suis surpris que des gens dans un état d'esprit totalement différent soient tombés sur le même système de cybernétique que finalement sur lequel j'étais tombé il y a une dizaine d'années. Et aussi de voir à quel point tout peut être transfiguré par ce système-là, tout peut être encodé, parce que c'est réellement de la cybernétique. Il y aurait moyen d'y voir un langage, des alphabets et un langage, et même aboutir à l'idée que des gens, ou peu importe, des êtres intelligents, puissent transmettre des messages à travers des espaces très lointain, infini, par l'oscillation de petits points lumineux. Donc, pas au niveau d'une idée de zodiacale, mais peut-être que certains corps célestes parlent sans que nous le sachions encore. Mais je dois avouer que c'est très, très intéressant et que je ne m'attendais pas à un tel revirement. Par rapport aux effets, c'est que je pense que si ça a un effet sur le système nerveux, qui est d'une certaine façon lié au corps physique, et bien que ça agit sur tous les autres corps. Et puis là, j'entends un sens large, comme si on prend la psychologie, par exemple, on pourrait parler d'un corps psychologique, et ainsi de suite. Si on agit sur un corps, on agit sur tous les autres corps, ils sont emboîtés les uns dans les autres, pas d'une façon spatiale, comme on l'entend dans notre idée de tridimensionnalité. Mais quand même, je connaissais rien de ça, la matrice hexagonale zodiacale, et je suis très surpris. Et c'est quand même très intéressant, mais il se passe des choses encore plus étranges dans la vie. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci.